Tout à coup, le mont Valérien, là-bas en face, sembla s'éclairer, comme si un incendie se fût allumé derrière. La lueur s'étendit, s'accentua, envahissant peu à peu le ciel, décrivant un grand cercle lumineux, d'une lumière pâle et blanche. Puis, quelque chose de rouge apparut, grandit, d'un rouge ardent, comme un métal sur l'enclume. Cela s'est développé lentement, en rond, semblait sortir de la terre, et la lune, se détachant bientôt de l'horizon, monta doucement dans l'espace. À mesure qu'elle s'élevait, sa nuance pourpre s'atténuait, devenait jaune, d'un jaune clair éclatant, et l'astre paraissait diminuer à mesure qu'il s'éloignait. Paul le regardait depuis longtemps, perdu dans cette contemplation, oubliant sa maîtresse. Quand il se retourna, elle avait disparu. Il la chercha, mais ne la trouva pas. Il parcourait l'étape d'un œil anxieux, allant et revenant sans cesse, interrogeant l'un et l'autre. Personne ne l'avait vu. Il errait ainsi, martyrisé d'inquiétude, quand un des garçons lui dit « C'est Madame Madeleine que vous cherchez. Elle vient de partir tout à l'heure, en compagnie de Madame Pauline. » Et au même moment, Paul apercevait, debout, à l'autre extrémité du café, le mousse et les deux belles filles, toutes trois liées par la taille, et qui les guettaient, en chuchotant. Il comprit, et comme un fou, s'élança dans l'île. Il courut d'abord vers Chatou, mais devant la plaine, il retourna sur ses pas. Alors, il se mit à fouiller l'épaisseur des taillis, à vagabonder éperdument, s'arrêtant parfois pour écouter. Les crapauds, par tout l'horizon, lançaient leurs notes métalliques et courtes. Vers Bougival, un oiseau inconnu maudit quelques sons qui arrivaient affaiblis par la distance. Sur le large gazon, la lune versait une molle clarté, comme une poussière de ouate. Elle pénétrait les feuillages, faisait couler sa lumière sur l'écorce argentée des peupliers, criblait de sa pluie brillante les sommets frémissants des grands arbres. La grisante poésie de cette soirée d'été entrait dans Paul, malgré lui, traversait son angoisse affolée, remuait son cœur avec une ironie féroce, développant jusqu'à la rage, en son âme douce et contemplative, ses besoins d'idéal tendresse, d'épanchement passionné dans le sein d'une femme adorée et fidèle. Il fut contraint de s'arrêter, étranglé par des sanglots précipités, déchirants. La crise passée, il repartit.